J'ai regardé la beauté des corps de marbre, la grâce dans les traits de la roche rose. J'ai regardé ce qui manque entre les membres, entre les corps et les têtes. J'ai regardé des casques de bronze, des jambières et des boucliers. Je ne sais pas ce qu'il y a entre la chair du ventre et la tête casquée partant nue à la guerre. Je ne sais pas ce qu'il y a entre la tête et le corps. La chair sur l'ossature du crâne sous le casque n'est pas de pierre. Le sang dans les cheveux ne sont pas des lignes de marbre. Il n'y a pas que le cou, la nuque et la gorge. Il y a toute une matière que je ne sais pas. Je reste avec ce qui manque et ce qui n'est pas. Je n'ai pas de bouclier. Je suis nu dans mon pantalon. Je ne bouge plus. Je suis dans un tombeau.